Cher Fabrice Drouel, qu'est-ce qu'il y a au programme d'affaires sensibles ? Bonjour Jean Lebrun. Une affaire qui n'a pas structuré la vie politique française, c'est la tuerie de Louveciennes en février 95. 6 meurtres dans une villa. Qui a perpétré ce sextuple meurtre ? Réponse dans quelques minutes dans Affaires sensibles. Et qui a réalisé notre émission ? C'est Juliette Gou. Et à la technique, c'était Kevin Pelot.